soirée emmerdante et il pleuvait dehors. 5 degrés et demi, tu trembles quand tu sors. Tu restes à l'intérieur de ton appartement. Et puis soudain comme ça, tu trouves tout déprimant. Et puis soudain comme ça, tu trouves tout déprimant. Des drogues dures comme des supermarchés. Méfie-toi du bad trip au LSD. Le halo de l'enfer se refermait sur moi. Plus rien ne m'animait, ni la musique, ni le repas. J'avais envie de crever pendant 3 bonnes heures. Les heures sous LSD passent comme des années. Mais les heures sous LSD passent comme des années. Bad trip au LSD, bad trip au LSD. J'ai fait un bad trip au LSD. Méfie-toi des drogues dures comme des filles qui disent t'aimer. Méfie-toi du bad trip au LSD. Pour essayer de me calmer et de passer cette putain d'envie de me suicider. Et les lumières clignotaient et me disaient tu dois. Le LSD les gars, c'était pas fait pour moi. Le LSD les gars, c'était pas fait pour moi. Bad trip au LSD, bad trip au LSD. J'ai fait un bad trip au LSD. Méfie-toi des drogues dures comme des flics et des banquiers. Méfie-toi du bad trip au LSD.